Aujourd'hui, à CNX, la prochaine console de Nintendo sera-t-elle un mélange entre la DS et la Wii? Le faux Steve Jobs démasqué sur Internet. Une baisse de prix de 100$ pour la Xbox 360. Et Microsoft coupe le prix de Windows Vista à 66$. En Chine, c'est l'heure des jeux! Bonjour et bienvenue à CNX, je m'appelle Mathieu Plante, merci d'être avec nous. CNX, c'est l'émission qui parle de tout ce qui s'en vient. Et comme toujours, l'émission d'aujourd'hui est chargée de tout ce qui vous intéresse et de tout ce qui vous importe le plus, la technologie, l'informatique et les jeux vidéo. J'accueille la princesse Peach de l'émission. Bonjour! Caroline Cloutier! Mais non, tu viens de voler le punch, je suis la princesse Peach. Princesse Peach, oui, excuse-moi. C'est mon nom tout le long, Mathieu. D'accord. Mais attends, j'y pense un petit peu, princesse Peach. Non, je pense que c'est mieux d'être la princesse Daisy. Ben. Ah, peut-être. Parce que princesse Peach, ça voudrait dire que je te cours après. Mais je pourrais aussi être Zelda. Zelda, okay. Mais oui. Ouais, les gens se trompent des fois, pensent que Zelda, c'est Link, mais Zelda, c'est la princesse. Oui, absolument, absolument. Faut faire attention. Oui. Différencier les deux. On va parler, comme cette semaine, entre autres, d'un syndicat pour les blogueurs et d'un camp de jour contre la dépendance à Internet. Ça va être plus tard. Si vous voulez participer à l'émission, Caroline va vous expliquer comment faire. Oui, pour participer à l'émission, ben, premièrement, vous pouvez toujours nous appeler en studio en direct. On est les jeudis en direct à midi. Alors, le numéro de téléphone pour nous rejoindre est le 819-376-5183. Ou encore, vous pouvez visiter le blog de Mathieu, qui est le www.unechance.com. Et voilà, c'est très simple, donc pourquoi pas le faire? Après la pause, le fil informatique, mais tout de suite, voici une pièce du coureur de la semaine. De la semaine dernière, c'est The Polyphonic Spree et Running Away! À la connexion, à C'est Fou 89.1 FM! Fire. Phoenix Spree. Ben oui, c'est tellement bon. Running Away, et ça c'était la pièce. L'album s'appelle The Fragile Army, The Polyphonic Spree. C'est un petit groupe, minuscule groupe d'environ 20 personnes. Ouais, minuscule, aussi minuscule qu'une vingtaine de personnes. Un groupe que j'ai découvert en même temps que toi, j'imagine, la semaine dernière... À la chance. Je trouvais plus le nom. À la chance, exactement. Et puis, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je suis très contente que tu t'en aies fait passer aujourd'hui. C'est très joyeux. Hein? Oui, c'est très bon. En fait, j'en avais entendu parler il y a quelques années. C'était quand même gros. C'était populaire quand même. Puis là, ben, maintenant qu'ils ont sorti un nouvel album, un nouveau public va s'attacher à ce groupe-là, The Polyphonic Spree. Si vous voulez réentendre d'autres pièces de The Polyphonic Spree, il faut écouter La chanson au courant. Oui, en plein ça. C'est ça. Je pense que toutes les reprises sont passées. Donc, dans le fond, on s'en fout. maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Vous l'aurez deviné, on parle des nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine. On commence par le faux Steve Jobs. Le blogueur anonyme qui se présentait sur le web comme le faux Steve Jobs. En fait, il se disait le vrai Steve Jobs, mais il était faux. Il vient d'être démasqué par un journaliste du New York Times. En fait, il prétendait pas être le vrai, mais c'était tellement évident que c'était pas le vrai Steve Jobs qu'il écrivait un paquet de choses drôles. Dan Lyons, un membre de l'équipe éditoriale du magazine économique Forbes, entretenait depuis 14 mois le mystère autour de son identité dans son populaire blog The Secret Diary of Steve Jobs. Mélangeant dans ses commentaires l'analyse à un humour parfois mordant, Lyons se moquait allègrement du manque de candeur de Steve Jobs, réputé comme étant un président difficile. Le journaliste du New York Times a percé le mystère de l'identité du faux président d'Apple en remarquant récemment une ressemblance entre le style d'écriture de Lyons dans le Forbes et celui employé par le blog. Donc le gars, il a juste remarqué que le gars écrivait pareil. Il faut le faire, il faut être très très détective privé pour ça. Là. Ouais, le gars était perspicace. Très perspicace. Lyons a admis au journaliste qu'il était bel et bien l'auteur du blog, mais a confié qu'il était surpris que les journalistes aient pris plus d'un an à le démasquer. Plusieurs internautes et journalistes essayaient d'ailleurs depuis plusieurs mois de démasquer le faux président d'Apple, forçant même Bill Gates, lors d'une conférence à laquelle il participait avec Steve Jobs, à déclarer à la blague, et je cite, « En commençant, je tiens à vous spécifier que je ne suis pas le faux Steve Jobs. » Lyons espère toutefois que les lecteurs n'arrêteront pas de lire son blog maintenant qu'il a été démasqué, donc il va continuer son blog « The Secret Diary of Steve Jobs ». Fascinant. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Moi, je trouve ça très, très amusant, en tout cas. Oui, le gars, il l'avait vraiment bien, tu sais. Mais je suis pas allé voir. Je suis pas allé voir sur le blog. En fait, je crois que je pourrais, tiens, vous dire l'adresse tant qu'à en parler. Pourquoi pas. Si vous voulez aller voir ça, c'est l'adresse fakesteve.blogspot.com. Donc, le gars, en se faisant passer pour un vrai Steve Jobs, son site s'appelait Fake Steve, donc c'était plutôt évident que c'était pas lui, de toute façon. Enfin, bon. Ensuite, on passe à un petit peu de nouvelles de Microsoft. Même si Microsoft dit que les ventes de Windows Vista en Chine sont meilleures que ce qu'on rapportait, la compagnie a réduit le prix de son nouveau système d'exploitation pour augmenter les ventes en Chine. Donc, mercredi dernier, la compagnie a coupé le prix de Windows Vista Home Basic à 66$ américains, ce qui est environ le tiers du prix de ce qu'ils se vendaient avant, du prix auquel ils se vendaient. Le prix de Windows Vista Home Premium a aussi reçu une coupure de 50% et se vend maintenant à 120$ US. Donc, en Chine, évidemment, c'est une des places où les logiciels sont les plus piratés, donc ils n'ont pas le choix de contourner ça. De baisser ça les un prix, peu. Sinon ils vont se faire avoir de manière ou d'une autre. C'est ce qui va arriver un jour, j'imagine, en Amérique, tellement que les gens, c'est le pirate. Mais en même temps, c'est tellement moins répandu qu'en Chine que peut-être que Microsoft perd moins d'argent. Ouais, mais j'ai pas l'impression que c'est un phénomène qui est si impopulaire que ça ici. Là. Je pense que ça se fait quand même assez beaucoup. Je pense que je connais personne qui a acheté une copie de Windows dans mon entourage immédiat. Voilà. Donc voilà, une bonne idée de la part de Microsoft en Chine. Ensuite... Le milliardaire américain Carlos Slim, qui serait selon certains analystes plus riche que Bill Gates, va faire un don de plusieurs milliers d'ordinateurs portables aux enfants pauvres de son pays. Quelle belle initiative. D'ici la fin de l'année, Slim entend donner à des fins éducatives 250 000 ordinateurs portables à faible coût aux enfants mexicains et 1 million par année à compter de 2008. Selon le milliardaire qui dirige Telefonos de México, le principal opérateur de téléphonie du Mexique, l'éducation est le meilleur moyen de combattre la pauvreté. Vrai. Son projet va lui coûter cette année l'équivalent de 74 milliards de dollars, millions de dollars canadiens et près de 316 millions de dollars en 2008, mais les coûts devraient être moins élevés les années suivantes. Et il désire que les ordinateurs soient donnés aux écoles et aux bibliothèques et qu'ils puissent ensuite être empruntés comme des livres par les élèves. Je trouve ça vraiment brillant comme projet. Je pense que j'aime mieux cette idée-là que le projet des ordinateurs à 100 ou 200 dollars qu'ils voulaient faire dans les pays pauvres, ben, qu'ils vont encore faire. Je trouve que l'idée d'emprunter un ordinateur peut être bien. Oui, absolument. Même si les enfants louaient un ordinateur, je sais pas, dans le fond, louer un ordinateur, ça veut dire que tu l'as temporairement? Oui, mais si... Ben, j'imagine un pays pauvre, un enfant, on pas nécessairement va passer, je sais pas, 30 heures sur un ordi par semaine, je penserais pas. S'il y en a besoin pour faire une tâche X, on peut l'emprunter une journée ou deux puis la remettre après. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de passer des heures interminables sur Internet non plus. Il n'y a pas besoin de Facebook, il n'y a pas besoin de MSN et MySpace. C'est ça. Fait que je pense qu'ils vont vraiment s'en servir pour faire des choses utiles et vraiment nécessaires. Là. J'ai l'impression que ça va être un usage. Un bon usage. Un bon usage. Ouais, un bon usage d'ordinateur. Le gouvernement chinois vient de lancer un camp de jour expérimental afin de lutter contre la dépendance des jeunes à Internet, selon l'agence de presse britannique Reuters. Le programme d'une dizaine de jours concerne les Chinois âgés entre 14 et 22 ans qui souffrent de dépression, de crise de panique, de peur et d'isolement social à cause de leur dépendance à Internet. Oh. Et afin de neutraliser le nombre de jeunes dépendants à Internet, le gouvernement communiste a récemment adopté différentes mesures, dont une loi qui limite le temps que l'adolescent peut passer devant son écran d'ordinateur. Le gouvernement a également imposé un moratoire sur les cafés Internet afin d'en freiner l'expansion, parce que présentement, il y a plus de 113 000 cafés Internet c'est bon. En Chine. Mais par rapport à la loi, tu fais comment pour contrôler ça? Dire t'as pas le droit de passer plus que 4 heures par jour? OK, mais tu vérifies ça comment? Ouais, j'avoue. Je sais qu'il y a quelques semaines, on avait parlé d'un jeu vidéo qui allait avoir à l'intérieur du jeu même un chronomètre, mm-hmm. si on veut, qui allait arrêter de fonctionner après un certain temps. J'imagine que ça pourrait être le même principe. Un logiciel installé sur l'ordinateur. Par la une loi. Une espèce de timer c'est ça. Que l'ordi se ferme tout seul. Comme pour faire un œuf, mais un timer à œuf, non? de plus, la ville de Shanghai a récemment engagé des patrouilleurs qui empêchent certains jeunes d'entrer dans les cafés Internet. Selon les médias du pays asiatique, 13% des 20 millions d'internautes chinois en bas de 18 ans souffrent de dépendance à Internet. Et on peut rappeler aussi que la population chinoise est la deuxième en importance sur Internet avec 137 millions d'utilisateurs. Ils devraient dépasser les Américains d'ici 2 ans. C'est énorme. Parlant d'énormes. Oui. Oui. Les chansons converties en MP3 sont les documents qui se retrouvent en plus grande quantité sur les ordinateurs des Américains selon un sondage de Comscore. Selon les résultats du sondage effectué en avril, les Américains possédaient en moyenne 880 fichiers MP3 sur leur ordinateur, ce qui représente 3 gigaoctets de données. Les répondants possédaient aussi une moyenne de 197 documents Word, 100 fichiers PDF, 77 documents Excel et 36 fichiers musicaux Windows Media. La firme de sondage révèle aussi que la capacité de stockage moyenne des ordinateurs des répondants augmente de façon soutenue. En avril, 39% disposaient sur leur ordinateur d'une capacité de plus de 70 gigs, alors que le nombre était de 33% en janvier. À l'inverse, le pourcentage des répondants qui disposaient d'une capacité inférieure à 50 gigs est passé de 59% en janvier à 53% en avril. Les résultats proviennent des données colligées sur 2 millions d'ordinateurs, donc c'est quand même assez valable. Est-ce que tu es dans la moyenne? Dans la moyenne, non, je dirais que je suis en bas de la moyenne. Mm-hmm. J'ai 200 gigs sur mon ordi, j'en utilise 4. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai acheté, donc je suis très contente d'avoir la possibilité d'avoir tant de stockage, mais je m'en sers juste pas. Non, je te dirais, je dois avoir peut-être 200 fichiers MP3, puis je sais pas, une couple de documents Word, là. C'est tout. J'ai 2 disques durs de 250 gigs, ça fait 500 gigs et ils sont toujours pleins, je suis tout en train de graver. Documents PDF, bof, j'en ai pas beaucoup. Ouais, non, mais 100, je trouve ça beaucoup, 100 documents PDF. Ouais, les gens gardent tout, hein. Ils se font envoyer des cossins par, ben c'est ça. Mail. Moi, je suis une pro du ménage sur mon disque dur. Du classage aussi? Oui, classage en dossier, sous-dossier, sous-sous-dossier. Sous-sous-sous-dio. Okay. Donc, pour voir les résultats du sondage, allez voir le document qui s'appelle le MP3, le document le plus répandu. Ça va être une autre affaire à sauvegarder sur votre disque dur. Absolument. Via lunechance.com. Parlons de Google un peu. Les personnes concernées par une nouvelle diffusée dans Google News vont pouvoir désormais émettre leur opinion sur la nouvelle. Donc, c'est une nouvelle fonction dans le blog de Google News qui est expliquée dans ce blog. Donc, pour l'instant, ça va être expérimental. Ce que Google recherche, c'est un supplément d'informations sur la nouvelle présentée. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir participer un peu à Google News. Les personnes qui vont désirer s'exprimer sur une nouvelle qui les concerne vont devoir envoyer leurs commentaires par courriel à Google News. Une fois leur identité vérifiée, le commentaire va être publié. Donc, c'est un compromis entre un blog et un éditorial, parce que ce ne sera pas instantané. Mm-hmm. L'idée est quand même bonne à la base. Google précise que les commentaires ne seront pas édités ou modifiés, seulement approuvés. Ils vont être publiés avec une mention commentaire pour indiquer que ce n'est pas un article. Pour l'instant, cette nouvelle fonction s'adresse seulement aux États-Unis, mais un jour, on verra ça apparaître au Canada, probablement. Je trouve ça super intéressant. Ça fait très... Moi, ça m'intéresse un peu comme dans mon domaine d'études aussi, si on veut, là, en communication. On parle beaucoup de ça, la participation de l'internaute... à la sphère médiatique. Je trouve ça super intéressant. Dans le fond, que les gens vont pouvoir écrire des nouvelles eux-mêmes. Je trouve ça super intéressant. très très bonne idée de la part de Google qui sont toujours là pour innover. Parlant de Google, justement, quelque chose d'un petit peu plus cocasse, c'est là qu'on voit qu'il y a des problèmes des fois sur Internet, des problèmes de spam. On appelle ça des splugs. Des splugs. Une combinaison de spam et de blogs. C'est des spams qui sont créés, des splugs, pardon, qui sont créés seulement pour faire de l'argent avec la publicité et des ventes de produits de qualité un petit peu médiocre. Donc Google accidentellement a désactivé le official Google Custom Search Blog le matin du 8 août après que le logiciel de Google l'ait identifié comme du spam, mais c'était un blog officiel de Google. C'est quand même bien. Donc un message a été envoyé à l'auteur et si la personne ne répondait pas, le compte pouvait être suspendu. C'est ce qui s'est passé parce que personne n'a répondu à l'avertissement. Donc je trouve ça cocasse. Assez. Ça, c'est un sujet controversé, en tout cas pour moi. J'ai une opinion là-dessus. On va essayer d'en parler un petit peu. Une coalition de blogueurs américains désire former un syndicat afin d'obtenir de meilleures conditions de travail, selon l'Associated Press. Avec ce syndicat, la coalition des blogueurs espère de se doter d'assurances collectives, de rabais de groupe, mais également d'un code de déontologie qui augmenterait la crédibilité professionnelle des blogueurs, notamment en vue des prochaines élections américaines. Donc, et je cite, blogger est une activité très intense, tant au niveau physique que psychologique. Okay. A déclaré la blogueuse Kristen Burgard lors du congrès Yearly Cause qui se déroulait le week-end dernier à Chicago. Vous passez vos journées à chercher des sujets qui pourraient intéresser vos lecteurs, et pendant ce temps, votre derrière prend de l'ampleur et vous vous blessez le bras, le cou et le dos à force de manipuler votre souris. D'autres syndicats sont également intéressés à recruter des blogueurs au sein de leurs organisations, et je cite, « Nous sommes présentement en train de développer de nouvelles stratégies afin de contacter les blogueurs et les inciter à se joindre à nous. » Donc, l'idée est loin de faire le consensus, selon l'article de Branchez-vous.com, au sein de la blogosphère américaine, et je cite, « La raison pourquoi j'aime la blogosphère est son aspect anarchique. » Hein? Quand même bon commentaire. « Former un syndicat au sein de la blogosphère équivaut à créer une structure rigide et immuable qui transformerait les blogs en une pâle copie des médias. » Donc, on rappelle que selon Technorati, un moteur de recherche de blogs, il y aura actuellement plus de 94 millions de blogs dans le monde et 120 000 nouveaux carnets sont créés à chaque jour. Oh, mais c'est une blague, ça, ou quoi? Tu sais, à mon avis, pour être journaliste, il faut étudier, il faut avoir un certain talent, il faut que tu mérites ton salaire et ton métier, il faut que tu travailles fort. T'sais. Pour être blogueur, il faut simplement écrire. S'acheter un beau pyjama. Ouais, mais si c'est des blogueurs professionnels, entre guillemets, à quelque part, ils doivent avoir une profession. Si c'est, par exemple, des journalistes qui ont leur blog, oui, il y a déjà un syndicat des journalistes. Donc, s'ils sont juste blogueurs, ils sont payés à faire quoi? Ils sont employés par qui? Donc, quelle importance aurait le syndicat s'ils n'ont pas de Ils sont carrément travailleurs autonomes, dans le fond. Là. Exactement. Pourrais-tu juste, à la place, faire une bonne job comme tu es supposé faire? Si ça te tente d'avoir un hobby comme un blog, vas-y. Ben, c'est ça. Sinon, au pire, ils pourraient peut-être partir un cours. Peut-être que tu pourrais devenir journaliste, blogueur, peut-être. À la limite. Tu sais, si n'importe qui peut être accrédité puis avoir des assurances pour le syndrome du tunnel carpien ou un mal aux épaules parce que t'es blogueur, je comprends pas ça. Non, et puis, c'est pas les seuls jobs qui se font un peu sur un ordinateur puis y a personne qui se plaint. Exactement. Je dirais pas, ah ben moi, tu vois, présentement, je fais de la radio, ma chaise n'est pas confortable, je vais me plaindre, je vais avoir un syndicat. Non. Il faut que t'assumes à quelque part aussi, je pense. Là. Voilà, c'est un hobby comme un autre. Nous, on fait de la radio, absolument. C'est fou, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Mais les gens aussi qui font un blog, c'est pareil. C'est pareil. Donc, oubliez ça, là. Mais oui. Ça. J'espère que ça se produira pas. J'espère aussi. Mais on pourrait s'attendre à avoir un cours de blogueur journalistique. Ben, ça pourrait quand même être intéressant pour ceux qui n'ont pas nécessairement la capacité de devenir journaliste professionnel. Mm-hmm. S'ils sont blogueurs, journalistes, bon, ils sont peut-être moins reconnus comme étant... C'est un journaliste, mais coche en dessous du journaliste, ouais, mettons, du New York Times, c'est ou de La Semaine. Ouais, de La Semaine, oui. Journaliste en coche en dessous de La Semaine. Petite coche. Tiens, je parlerai de d'autres sujets plus tard. On a assez parlé pour l'instant. Regardons un petit peu ce qui s'est passé cette semaine sur Internet. Ouais, pourquoi N'est-ce pas? Pas? Regardons un petit peu. Tiens, en numéro 1 du Google Hot Trends pour aujourd'hui, en direct le 9 août 2007, le numéro 1, c'est PGA Championship. Golf? Moi, je pense que oui, le golf, Professional Golf Association. C'est ça. PGA Tournament est aussi en 7e position. Il y a le tremblement de terre à Los Angeles en 10e position. De sûrement avoir le pont de Minneapolis quelque part aussi. La semaine passée, plus cette semaine, je ne sais pas si je vais même chercher, voir s'il serait encore. Il n'y a pas l'air d'être dans le palmarès de cette semaine. Non, malheureusement, les gens ont un petit peu oublié ça rapidement. Ouais, hein? Pas mal. Ici, on a tendance à en parler pendant des mois et des mois. Ça passe pas grand-chose ici. Non. À part la fermeture du pont Vio, c'est tranquille. Exactement. Tiens, qu'est-ce que je vois d'intéressant aussi? Je vois Tornade à New York en 98. quand même pas mal intéressant. Et côté Québec, tiens, regardons ce qui a bougé cette semaine. Pas grand-chose, comme toujours, en cinquième position, c'est stable. L'Auto-Québec. Hein? Moi, je dirais que dans une position entre 4 et 1, il y aurait Horoscope. Hey, t'es bonne. Ouais. Mais attends, c'est pas tout de suite. Quatrième position, descente pour les packs. Ah, oui. Est-ce que tu peux deviner numéro 3? Je vais te dire Hotmail. Hey, voilà. Hein, pour vrai? Oui, bravo. En deuxième, c'est Météo Média. Et en première, tu l'as eu, c'est Horoscope. À chaque semaine. Ah oui, à chaque semaine. Absolument. On ne stannera jamais. On s'en passe pas de l'horoscope. Voici la règle du jeu de Plasticine. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à CFI 89.1. FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. Avec la règle du jeu sur le palmarès francophone de Cifou, vous écoutez la connexion à Cifou 89.1 FM. Et maintenant, c'est l'heure de la première partie d'Autour Binette. On commence notre petit voyage du début à la fin de l'Internet, Caroline et moi, comme ça. Petit voyage. Un petit voyage virtuel. Virtuel. Sur les vagues de l'Internet. On surfe sur les vagues de l'autoroute de l'information. Exactement. Comme en 97. À peu près. À peu près. Donc, vous connaissez la phrase de Andy Warhol qui dit que tout le monde va être célèbre pour au moins 15 minutes dans sa vie. Je crois que c'est assez répandu comme connaissance générale. Et je pense que depuis que YouTube est arrivé, les 15 minutes sont de plus en plus fréquentes, ouais, et de plus en plus longues. Mm-hmm. Donc, ce qu'on voit maintenant, avec à peine un peu de retard, ça a pris de la popularité depuis les dernières semaines. C'est un clip de 17 secondes. Ça a eu au-dessus de 900 000 hits sur YouTube depuis sa première diffusion quelques semaines. Et les chiffres datent encore d'il y a quelques jours, donc ça a remonté depuis ce temps-là. C'est un garçon, hein, en entrevue à la télé, qui dit qu'il aime bien les tortues. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'on entende ça tout de suite, hein? Absolument. At the Waterfront Village with my friend the zombie Jonathan. You're looking good, Jonathan. Une just foire. Got an awesome face paint job. What do you think? I like turtles. All right, you're great zombie. Good times here at the Waterfront Village. C'est littéralement la journaliste qui demande au garçon et puis t'aimes ça à la foire, c'est le fun, nanana. J'aime les tortues. Puis il regarde dans le vide puis il fait rien, c'est juste ça. Donc c'est devenu très très populaire, les gens ont fait des remixes de ça, évidemment on peut s'y attendre sur internet maintenant, les remixes de ça. On le voit en entrevue à l'émission de télé sur Fox News. Et puis le gars regarde dans le vide et puis à un moment donné, il va dire jamais tort. Ça prend juste ça maintenant pour devenir une vedette sur Internet. Incroyable. Ah, c'est bon. Donc voilà qui fait le tour pour cette petite nouvelle-là. C'était pas très intéressant, mais quand même. La preuve qu'on peut trouver n'importe quoi sur Internet aujourd'hui, t'es d'accord? On peut trouver des photos de chats. Ouais, des photos de chats rigolotes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça arrive. On trouve aussi des blogs comme Lowercase L. Vous avez peut-être remarqué dans le monde des pancartes avec des lettres en majuscules et les gens, à la place de mettre un L majuscule, peut-être qu'il en manque ou ils s'en rendent pas compte, ils mettent un L minuscule ou un M majuscule. Mm-hmm. Hein? Mais ce blog-là, c'est juste des exemples de L minuscule à l'intérieur de mots en majuscules. Sur des couvertures d'albums, des pancartes de garage, à l'arrière d'automobiles, dans des portes. Mais est-ce que c'est censé être drôle ou c'est juste anodin? C'est juste anodin. Ah bon? On trouve ça sur Internet. Ouais, bon. Ça intéresse. T'as peut-être entendu parler de ça il y a quelques semaines, j'en ai parlé à la connexion, un dessin animé sur Tomb Raider qui va être diffusé. OK. Hein? On a découvert le nom cette semaine, ça va s'appeler Preteen Raider. Preteen comme dans préadolescente. Ah, qui okay, preteen. Ah, pre-teen. Ok. Et on va écouter un petit extrait juste pour voir de quoi ça a l'air. Si vous croyez connaître Lara Croft, non, pas en tout. C'est beau quand même, je trouve ça bien fait. Ça fait télé-tour. Hein? Preteen Raider, bientôt sur GameTap. Ça commence le 9 août. En fait, ça commence aujourd'hui si vous êtes en direct. Donc, allez voir ça sur GameTap.com. C'est une série réimaginée qui met Lara Croft dans un nouvel environnement à travers une série de petites vidéos. Voilà, donc Preteen Raider, préadolescente, chasseuse préadolescente. Ouais, dans c'est un peu comme Buffy contre les vampires. Environ 11-12 ans. À peu près. Qui est sûrement la public cible aussi de l'émission. Pas mal. Tiens, j'ai posté sur le site une console de jeux vidéo dans une boîte de menthe à la cannelle, si on veut. Hein? Donc, si ça vous intéresse, Greg Sanders, qui est le modeur derrière cette machine, qui joue, en fait, c'est Dungeons of Doom. Ça fonctionne avec une batterie 9 volts. Et puis, il y a un port pour une manette Sega et une sortie RCA pour une télé, sauf l'audio qui fonctionne par écouteur. Donc, si vous voulez les étapes, comment faire ça, le mode au complet a pris 21,50 $ à construire. Puis on a quand même un mode d'emploi pour le faire nous-mêmes. Exactement. Yeah, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien gros ça. Allez voir sur lunechance.com pour l'article. J'ai passé aussi un fond d'écran vraiment, vraiment très, très beau qui s'appelle Super Smash Brothers Onslaught. C'est fait par l'artiste Cytosis X. En fait, il a pris un dessin original, un sketch de traditional d'animation. Hein? Et puis, a fait quelque chose de vraiment, vraiment beau. Ça sert de fond d'écran pour même si vous avez deux moniteurs ou un moniteur widescreen. C'est superbe. C'est vrai que c'est beau. On voit quoi? Wario, Mario, qui d'autre? Yoshi. Ah, Yoshi, moi, je le voyais pas. Carapace de tortue. Uh-huh. Kid Icarus. Qui? Kid Icarus. Il me semble que c'est lui, ça? Link. Bowser. Ouais. Donkey Kong. En tout cas, très, très... Les Ice Climbers, regarde. Donc, allez voir un ça. Champignon très, très aussi. Un champignon, faudrait pas oublier le champignon. Luigi aussi est là, le frère oublié. Tiens, un autre fond d'écran de Pac-Man cette fois-ci. Très beau. C'est celui que j'utilise en ce moment comme fond d'écran depuis que je l'ai vu. Je le trouve très, très beau. En 3D presque. Tu croirais que c'est du vrai 3D. Mm-hmm. En tout cas, donc, allez voir. Il est en différents formats. C'est sur le site de pokestudio.com. Mais passez par lunechance.com. C'est beaucoup plus facile. La vidéo est peut-être pas très, très beau. Mais quand même, il vous montre un émulateur de NES sur votre iPhone. Hein? Donc, même s'il ne montre pas comment le D-pad fonctionne, comment les contrôles fonctionnent, en tout cas, il ne montre pas très bien, c'est ce que ça dit. Vous allez pouvoir faire fonctionner Super Mario Bros. 3 sur votre iPhone. Donc, on regarde un petit extrait de ça. Ça va partir à l'instant même. Donc, le gars appuie sur le bouton pour partir son, son portail d'application, quelque chose du genre. OK, qu'est-ce qu'il fait? Il monte plein d'affaires. Il scrolle jusqu'à Mario. Hein? Ce serait le fun qu'il arrive... voilà. Mm-hmm. OK. Et puis là, on voit même une manette de NES en bas de l'écran pour contrôler le jeu. Je trouve ça génial. Avec le petit carotté noir et blanc en bas, les rideaux en haut. Hop, on retourne à l'écran. Oh, voilà. Est-ce qu'on va entendre la musique ou est-ce que je pourrais... Je crois qu'il y aura pas. Je pense qu'il n'y a pas d'audio. Je pense qu'il a branché son par-écouteur. Donc, en fait. Mais je trouve ça vraiment génial comme idée. Je sais pas si c'est vraiment très, très évolué. Je sais pas si ça fonctionne. Ben oui, il monte un petit peu en train de jouer, donc on s'imagine que ça fonctionne bien. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de contrôle, vraiment. Hein? On dirait que ça avance tout seul. Ça a l'air d'avancer tout seul, en effet. La vidéo est cool. J'ai pas été me renseigner si ça fonctionnait bien ou si ça, vient, s'il y avait une façon de vous montrer comment le faire, mais je trouve que l'idée est bonne. Et si on a des développements là-dessus, des, un tutoriel, un didacticiel pour vous montrer comment faire, on vous le montrera. Il y a aussi, tu sais, qu'est-ce que j'ai posté? Une Wii à vendre sur eBay avec Yoshi dessus. Oh, wow! 400$ avec une deuxième Wiimote aussi. Ça vient avec Wii Play, avec Mario Party 8. Tout ça pour seulement 400$ sur eBay. Je sais pas si je vais aller voir si, si c'est expiré ou si vous avez encore la chance de miser dessus. Non, l'enchère est rendue à 420$. Et puis, il reste 2 jours et 6 heures avant la fin. Donc, si vous voulez aller participer en direct le jeudi, allez-y maintenant, je vous attends. Mais tu vois, c'est le genre de choses que j'aimerais avoir. Si j'en avais pas déjà une puis que je planifiais en acheter une, Yoshi, ça me tenterait. Est-ce que j'ai dit que j'étais jaloux que t'en aies une? Non, mais tu le dis maintenant. Ben, mais en fait, je suis une fan inconditionnelle de Yoshi. Je trippe Yoshi. Mm-hmm, je le trouve aussi, bon. Hein? Je ouais. L'aime. Peut-être pas jusque-là. Non, non, il est super mignon. Je trouve qu'il fait des sons le fun. Il fait... Oui. En tout cas, je l'ai pas bien. Mais j'aime Yoshi. Je suis en amour avec Yoshi. J'ai toujours été un grand fan aussi. J'avoue. Voilà. Donc, allez-y, 420$, même si tu veux une deuxième Wii, tu pourras me vendre l'autre. Non, mais tu pourrais l'acheter toi, par exemple, puis on pourra l'échanger, comme ça je vais me faire 200$ sur ton dos. J'avoue que c'est presque plus facile de l'acheter sur eBay que de l'acheter en magasin en ce moment, de toute façon. Oui, bien assez, en fait. Moi, je me considère très chanceuse d'avoir pu en acheter une le jour même de la sortie. C'était le 17 ou le 19 de, novembre dernier, 19, je crois. Ah, la folie! Oui, absolument. La folie. On s'est levé très tôt ce matin-là. Il y a quelques semaines, je vais parler d'une version de YouTube qui vous permettait de voir deux vidéos en même temps. Et bien, cette fois-ci, c'est 3 vidéos en même temps. Pourquoi pas regarder 3 vidéos sur YouTube en même temps? C'est divertissant. Mais hein? Ça sert à rien. Absolument rien. Mais en même temps, les vidéos sont pré-choisies à la base, en tout cas. C'est ce que ça montre ici. Donc, on va voir les 3 vidéos se charger en même temps. Évidemment, la vitesse de la connexion va dépendre. Si vous avez une bonne connexion, ça va aller mieux. Ici, on voit quoi? Une publicité de je sais pas qu'est-ce que c'est, de la viande. Et l'autre, c'est sûrement une annonce de film. L'autre, c'est un dessin animé pour enfants, quelque chose du genre. Enfin bon, si vous voulez créer votre propre set de 3 ou ensemble de 3 vidéos sur u3b.com ou youtube.com, youtube.com, et il y a des ensembles préfabriqués par plusieurs personnes disponibles sur le site. Ouais, ça sert tellement à quelque chose, là, je suis absolument époustouflée de l'utilité de ça. C'est un peu ça la chronique autour du monde. Je pense qu'on va aller écouter un petit peu de musique. Ouais, je suis d'accord. Genre Robot Academy de la Rock Machine. Ouais, en plein ça. À la connexion! 89.1 FM, assez fou. Tout à l'envers. Wouhou! Wouhou! 3 fois en même temps. Tu dis quelque chose, mais je veux dire quelque chose d'autre. Ah, OK. Les canards. Allô, les... ça va bien? Bien, madame. Puis Jacques meurt ouais, tantôt, puis on va entendre. Ça marche pas, hein? Non, mais non, ça sert à rien, ça non plus. OK. Allons écouter de la musique. D'accord. Sympathique à la une des journaux quotidiens. faux. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot et j'ai ce qu'il vous faut. Des rêves en vidéo. Je suis un artiste, je joue à la radio. Même si je joue faux, je suis un robot et j'ai ce qu'il vous faut. Retour, Apple dévoile les nouveaux iMac à la connexion. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Assez pour 89 FM, je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle Caroline Cloutier ou encore Princesse Peach, Daisy ou Zelda, à votre discrétion. Les trois à la fois, you three be. Plus tard, le bloc à thème sur les nouveaux iMac. On va parler de tout ce qui se passe et on va aussi regarder ensemble des photos du iMac désassemblé, tu sais, en morceaux. On va regarder des photos à la radio. Ben, j'aime ça faire ça, moi. Ben oui, c'est pertinent. On va aussi tantôt parler des logiciels les plus téléchargés sur Internet et aussi des jeux les plus attendus par les joueurs. Mais tout de suite, voici une toute nouvelle pièce. Une toune! Yes, une toune! Jacques Mort et Feu Follet à la connexion. Assez fou, 89 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada. Jacques Mort avec Feu Follet à la connexion à CFOU 89.1 FM. Bien entendu. Bien sûr, ça pourrait pas être ailleurs. Ça pourrait pas être ailleurs. Avant de continuer avec le bloc ATEM, cette semaine, on parle des nouveaux iMac. Caroline va nous parler des téléchargements les plus populaires sur download.com. Oui, effectivement, le palmarès des logiciels les plus téléchargés. On a en cinquième position WinZip. OK. Quatrième position, très surprenant à mon avis, ICQ. Ça existe encore. Ben, je croyais que plus personne utilisait ça depuis 2000 à peu près, 99-2000. Mais non, c'est en quatrième position, les palmarès. C'est moi où il me semble que je me suis réveillé un matin, puis ICQ n'existait plus, j'étais rendu à MSN. D'un coup sec, je m'en suis même pas rendu compte. Ben, tu vois, c'est un peu le même genre de choses qui s'est produit avec moi aussi. J'ai l'impression que ICQ est disparu tout d'un coup pour faire place à MSN, puis on n'a plus jamais entendu parler d'ICQ jusqu'à aujourd'hui, en fait. J'ai pas eu de souvenir d'avoir désinstallé ça. Numéro, on est rendu au numéro 3. Numéro 3, BitComment, c'est un logiciel de BitTorrent, vous l'aurez deviné. Deuxième position, AVG Antivirus. Et première position, c'est AdAware. Oui, AdAware pour les anti logiciels. Oui, je sais, je l'ai à la maison. Bon, est-ce que tu t'en sers? Oui, je m'en sers. C'est bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en servent. Mais je m'en sers peut-être une fois par semaine. Ah, c'est bon, j'aime ça. Quand même pas mal. Tu mets à jour à chaque fois. Oui, oui, absolument. Protégez-vous à la maison, c'est toujours mieux de se protéger. Hein? Pour toutes sortes de choses. C'est ça. voilà, donc le bloc ATEM cette semaine, beaucoup de grosses nouvelles dans le monde de Apple. Ben, il y a des grosses nouvelles du côté d'Apple pas mal à chaque semaine. Si vous écoutez la connexion moyennement souvent, vous voyez qu'il y a toujours quelque chose d'assez gros. Donc cette semaine, on parle de la nouvelle lignée de iMac renouvelée. Donc Apple a annoncé cette semaine du nouveau sur ses modèles iMac, remplaçant entre autres le boîtier de plastique blanc par un nouveau design aluminium et vert. Hein? Vert? Vert dans le sens de la vitre. Ok, là je me dis vert, c'est une couleur qui va passer de mode assez vite. Là. J'avais un peu peur. C'est ça. Peut-être que ça pourrait être plus écologique par exemple. Hein, c'est? Parce que les gens aiment ça le vert de nos jours. Parce qu'ils se sentent bien. Ils se sentent, c'est moi ça. Je suis écolo, je suis vert. Je suis hot. Le nouveau iMac est offert avec des écrans de 20 pouces ou de 24 pouces. Apple mettant ainsi fin à ses produits iMac à écran de 17 pouces. C'est terminé. Les machines améliorées sont dotées d'un processeur Core 2 Duo d'Intel avec des fréquences d'horloge de 2 GHz et 2,4 GHz. Donc, c'est bon. Une puce de 2,8 GHz est offerte sur un modèle à configurer et à commander si vous le faites customized. Customized? Pimp My PC. Ou Pimp My Mac dans ce cas-là. Les machines sont livrées avec 1 GB de RAM et peuvent en accepter jusqu'à 4 GB. Les nouveaux iMac sont munis d'une carte graphique ATI Radeon HD 2400 XT, donc c'est pas mal la grosse Cadillac là en ce moment. L'équipement standard du iMac comprend une entrée et une sortie audio, 3 ports USB, des ports FireWire 400 et 800, Gigabit Ethernet et une sortie vidéo. Le SuperDrive a été retenu ainsi que l'ont été l'ensemble caméra web et micro iSight intégré, donc si vous voulez la machine qui fait tout. Pour le Mac, c'est pas mal ça. Le iMac est équipé d'un disque dur dont la capacité peut aller jusqu'à 1 teraoctet, imagine. 1 teraoctet? Je disais tantôt que j'avais 500 G. Ouais. Deux fois ça. OK. C'est beaucoup. Aïe, aïe. L'édition vidéo va se faire à fond la caisse. Il offre la connectivité sans fil selon le standard 802.11n. Le iMac reçoit aussi un nouveau clavier qui s'intègre au design aminci de l'appareil. Mm-hmm. Diverses clés sont dédiées à des fonctions comme pour l'éclairage plus clair, moins clair, etc. Il y a aussi l'exposé, le dashboard. Ceux qui connaissent le Mac savent c'est quoi, les gens de PC s'en foutent un peu. Et des contrôles médias aussi. L'iMac est offert en 3 configurations, soit une machine avec écran de 20 pouces et processeur de 2 GHz pour 1 200 $ US, évidemment. Un modèle à écran de 20 pouces, mais avec processeur de 2,4 GHz à 1 500. Et un iMac de 24 pouces avec le processeur de 2,4 GHz à 1 800. Il n'y a pas de 24 pouces avec processeur de 2 GHz, si je comprends bien. Ça ressemble à ça. C'est un mix and match de riches et de moins de riches pareil. Ouais. Une petite coche en dessous. Mais t'as le de base, t'as le standard et t'as le de luxe. Le de luxe. Mais ça ressemble à ça. Le platine. Ouais. Mais quoi que le standard est quand même assez luxueux. C'est ça. Disons que le normal, c'est le platine, puis le de luxe, c'est le diamant. Ouais. Ouais, ça ressemble à ça. Tu peux couper pas mal d'affaires avec ça, je pense. Je veux dire. J'ai posté sur unechance.com un article qui s'appelle « New iMac Disassembled » parce que, bon, qui peut résister sur Internet de nos jours à défaire en morceaux les derniers gadgets? Hein, on l'a vu avec la 360, la PlayStation 3, iPod, n'importe quoi. Name it, comme on dit dans le domaine. Hein? Name it. Et puis, c'est désassemblé par quelqu'un. Donc, Koda Varisan du Japon, délicatement déchiré en morceaux, déchiqueté sur le nouveau iMac. Et quelle surprise! Il y a tout ce qu'on retrouverait dans un ordinateur normal. Le lecteur, il y a le SATA, le graveur DVD, processeur, etc. Mais c'est quand même amusant de voir comment Apple réussit à tout entrer dans un aussi petit contenant. Parce que si vous n'avez pas vu les photos, Apple.ca, premièrement, mm-hmm. c'est petit. Oui, bien probablement. C'est assez mince. De toute façon, ça l'était déjà et ça l'est encore plus. Donc, ça doit être assez surprenant. Je vois un peu du coin de l'œil sur mon écran d'ordinateur. Mm-hmm. Mais non, je ne suis pas inquiète que ça doit être assez surprenant. Mais déjà là, la... je veux comme pas avoir l'air des adultes qui font comme « Ah, la technologie! » Ah, les enfants aujourd'hui. Oui, ben c'est ça. Mais non, sérieux, je suis assez époustouflée. Je te dirais, là, c'est quelque chose. Hein. Alors, je pense que ça vaut la peine de juste, ici en studio, se regarder un petit peu dans les yeux. Là. Le site web d'Apple, juste pour voir le... Wow, il marche pas? Sérieusement? Ça m'est jamais arrivé. Je fais apple.com. Ils doivent être en train de remanier un petit peu, faire une mise à jour sur leur site web. Enfin bon, si vous allez sur l'article qui s'appelle New iMac Disassembled, descendez un petit peu parce que le site original a été, comme on appelle, engadgeté. Quand Engadget parle d'un site qui n'est pas fait fort, il descend assez rapidement. Mm-hmm. Donc, il y a un miroir. Allez un petit peu plus bas, ça dit Update. Cliquez sur Go Here. Et là, il y a la galerie de photos du iMac désassemblé. C'est beau à voir. Regarde, c'est tellement beau. Sexy. Ah, vraiment, c'est l'ordinateur rêvé de la plupart des geeks, je pense. C'est vraiment quelque chose. Enfin bon, voilà pour le iMac, ça fait le tour. C'est pas des gigantesques nouvelles, mais c'est quand même une nouvelle lignée de produits, ça vaut la peine d'être mentionné. Autre nouvelle d'Apple cette semaine, toujours dans notre blog à thème sur Apple. Apple désire obtenir un brevet d'invention pour un écran tactile qui serait en mesure de déchiffrer le contact simultané de plusieurs doigts en différents motifs, par exemple comme un petit peu comme un accord de guitare ou de piano, selon Maximum News. La demande, c'est un jeu de mots. La demande pour ce brevet a été effectuée le 3 janvier, mais le document est seulement disponible depuis 7 semaines sur le site Internet du Bureau américain des brevets et marques de commerce. Donc, Apple stipule que son invention comprend un dictionnaire qui stockerait les différents motifs qu'on peut faire sur l'écran tactile. Un des exemples les plus frappants, selon l'article de branchez-vous.com, se retrouve déjà dans le iPhone. Lorsque l'utilisateur veut agrandir une certaine portion d'une photo, faire un zoom, il y a juste à mettre deux doigts sur l'écran tactile et les éloigner pour faire un zoom. Mais ça me fait penser, je me rappelle pas du nom, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Je crois pas que c'était Apple. C'était une espèce de table. La surface qui ouais. appelle de Microsoft. Oui, c'est ça, en plein ça. C'est fort. Ça me fait penser un peu à ça, le fait de bouger avec ses doigts pour agrandir, rapetisser les choses. Là. Ben, je pense que c'est une idée logique. Je n'irais pas jusqu'à dire, peut-être il y a des gens qui diraient bon, qu'un copie l'autre, Mac copie Apple, copie Windows. Oui, mais je crois qu'on est rendu là à inventer des choses. Mm-hmm. Fait qu'un le fasse avant l'autre, on est rendu là. De toute façon, c'est la suite logique. C'est ça. Je ne crois pas que c'est une question de qui l'a fait en premier ou qui l'a appliqué de quelle façon. C'est quand même assez impressionnant, à mon avis. Mm-hmm. Ben, l'idée est très, très bonne. Oui. Apple n'exclut pas dans son document la possibilité d'utiliser sa technologie dans d'autres appareils que l'iPhone, dont un baladeur audio numérique, un ordinateur de table, mais aussi un ordinateur portable. Donc, peut-être qu'on va voir des laptops avec cette technologie-là un jour. Mm. Ce serait génial. Ouais. Ah, j'ai hâte. Moi aussi. C'est-tu ce que j'ai hâte aussi? Non. D'aller entendre un petit peu de musique? Ah, ben oui! Ah, on va l'entendre du Interpol, mais avant, regardons les jeux les plus attendus par les joueurs les plus hardcore. Les joueurs les plus hardcore, écoute. Sur GameSpot. Ben, premièrement, en cinquième position, moi, je l'aurais mis plus haut que ça, sais-tu? Uh-huh. Halo 3. Oui, ouais, hein? Je l'aurais mis plus haut qu'à cinquième position. Bon, donc, sur Xbox 360, comme on disait, et qui sort le 25 septembre. Donc, pour ceux qui l'attendent impatiemment, c'est dans un mois et demi. Donc, tenez-vous encore un petit peu, ça va s'en venir. Quatrième position, Madden NFL 08 sur la 360 également, le 14 août, donc c'est la semaine prochaine. Mmh. Donc ça, c'est plus fun pour ceux qui attendent depuis longtemps également. Troisième position, Army of Two sur 360 également, qui sort le 15 novembre. Deuxième position, World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Drôle de nom, hein? Ouais. C'est très attendu. Sur PC également, on n'a pas de date de sortie, malheureusement. Et en première position, c'est StarCraft 2 sur PC également. Je l'ai pas vu venir, mais sur PC. Sur PC. Interpol. Hey,

switch them up with me. Leave them in the ditch and you can hitch a ride for free. The dancers need a dance floor. The swingers gotta sway. Fashionable people doing questionable things. Looking just like magazines. Fashionable, fashionable, fashionable people. That's what I'm talking about. Fashionable people. Come on. The Joel Plaskett Emergency. Maintenant, c'est l'heure de la critique sur Nintendo Wii. Mais comme j'ai pas le son de la Wii, voici le son de la GameCube. Hein? Ça paraît presque pas. Cette semaine, dans la critique de jeu, on parle un petit peu de Cooking Mama Cook Off. Oui, Cooking Mama Cook Off, qui est la suite de Cooking Mama, simplement, sur la DS. Moi, j'y ai joué sur la Wii. Mm-hmm. Et bon, beaucoup d'heures de plaisir, mais beaucoup. Je dirais peut-être un 5-6 heures de plaisir étalées sur deux jours, parce que bon, c'est un jeu de mini-jeu. Mm-hmm. Donc, on passe pas des heures à jouer là-dessus comme une aventure, justement, comme on discutait hors d'onde. C'est pas un jeu de Zelda, là. C'est pas un jeu de 40 heures que, bon, après une couple d'heures, on se tanne. Donc, pour le louer, c'est super. Tu l'as loué deux jours, puis c'était c'est assez. C'est ça, ouais, c'était assez. Puis je l'aurais pas acheté, mais je suis contente de l'avoir loué, puisque c'était quand même super amusant. Donc, c'est un jeu qui est sorti le 20 mars aux États-Unis, donc ici aussi, j'imagine, en Amérique du Nord, au Canada. Un jeu qui est développé par Office Create. Et puis bon, qui a eu un grand succès au Japon. Et puis ça paraît que c'est japonais, le jeu. Là. Ouais. Tu joues, puis c'est assez... C'est une fille qui parle en japonais. En fait, c'est évidemment une japonaise qui parle en anglais avec un accent assez terrible. Donc, quand tu réussis une recette, parce qu'il y a plus de 55 recettes dans le jeu, et quand tu réussis une recette, elle est très, très bien. Elle te dit « Wonderful, better than mama! » Dans le fond, elle dit « Better than mama », mais elle dit « Better than mama! » Tu sais, pour le savoir. Là, au début, tu comprends pas ce qu'elle dit nécessairement, ouais. Là, mais on finit par s'habituer à son accent. Là. Donc, c'est un jeu qui était super amusant. La musique n'est pas gossante. Moi, c'est un jeu qui... Parce que des jeux de mini-jeux, souvent, la musique, à un moment donné, elle tape ses nerfs, puis t'as même affaire qui revient, mais ouais. Moi, je trouve ça quand même bien. C'est un jeu qui est le fun pour moi, parce que je suis absolument nulle en jeux vidéo. J'aime beaucoup ça, mais je suis nulle. Et en cuisine? En cuisine aussi, je suis assez nulle. Okay. J'aime ça aussi, mais je suis nulle. Sauf que ça prend pas d'expertise en jeux vidéo pour pouvoir jouer à Cooking Mama, vraiment pas. Donc, c'est un jeu que j'ai apprécié pour ça, parce que t'as pas besoin d'être bon. Faut juste que tu saches manier la Wii. C'est ça. Explique-moi un petit peu, disons, t'arrives, tu ouvres le jeu, tu viens de le louer, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben en fait, t'as plusieurs options. Moi, j'ai juste joué au mode, là, au mode recette. Si on veut, là, tu peux aussi jouer contre l'ordinateur pour faire une recette. Moi, j'ai juste joué à faire mes recettes moi-même. Dans le fond, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que t'as des recettes de différents pays. T'as l'Italie, les États-Unis, la France, le Japon, puis la Russie. Bon. Donc là, tu cliques sur la recette que tu veux faire. Au début, t'en as juste 10, je crois. Puis à chaque fois que t'as réussi une, t'en débloques une autre. Donc, les recettes, t'as plusieurs tâches à accomplir, donc que ce soit brasser, couper en dés, trancher, mettre au four, faire cuire, bouillir. Bon, t'as plein de tâches à accomplir. Mm-hmm. Sauf que parfois, c'est pas toujours clair ce qu'il faut que tu fasses. Ça arrive que t'as comme des mouvements de oui, ils t'expliquent quoi faire avant, mais t'arrives pour le faire, puis c'est pas clair, puis... C'est pas Mario Party, c'est pas WarioWare, c'est non, pas des c'est mini-jeux ça. Que tu, en une fois, tu peux savoir comment non, ça fonctionne, c'est ça. Tu pratiques un peu. Dépendamment des recettes, ça arrive, il y en a où tu comprends tout de suite ce qu'il faut faire, mais d'autres que tu lis les instructions, puis là, ben, tu t'essayes, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais après trois fois peut-être que tu le fais, à un moment donné, tu finis par comprendre comment ça fonctionne. Tu le rates pas assez de fois pour que tu t'annes, t'abandonnes. Non, absolument pas. Non. Peut-être une fois ou deux, à un moment donné, tu fais « Ah oui, OK, j'ai comme cliqué, c'est comme ça que ça fonctionne », ou tu réussis pas ta recette, sauf qu'à la fin de la recette, tu viens comme d'allumer que c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Là. Comme, mettons, rouler de la pâte à tarte, par exemple. Là. Ah, ben, il faut comme que tu fasses aller ta Wii d'avant en arrière. Là, ensuite, tu passes là, sur le 1, je crois, ou le 2. Puis là, ensuite, tu continues pour le faire sur le côté. Là. Sauf que ça marche pas toujours. Est-ce qu'il faut aller lentement? Est-ce qu'il faut aller plus vite? Des fois, c'est juste comme le shaker. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Fait que c'est pas toujours clair. Est-ce que le jeu est très permissif? Est-ce que, disons, que tu fais un petit mouvement pas correct, le jeu, dans le fond, tu perds cette recette-là? Tu perds pas. dépendamment des tâches à accomplir, justement, là, si mettons, ils disent de couper en deux, ben, ça va quand même bien aller. Sauf que, justement, pour rouler la pâte ou encore pour préparer un aliment, par exemple, pour désosser un poisson, parce que ça arrive souvent, il y a beaucoup de fruits de mer dans le jeu. Mmh. Pour désosser un poisson, mais des fois, il faut comme que tu fasses semblant de couper dans les airs avec ta ouïe comme si c'était un couteau. Ouais. Mais des fois, la ouïe le voit pas, ou des fois, tu fais des mouvements dans le vide, puis la ouïe le voit pas non plus, donc tu bouges pour rien. OK, parce que lui, il s'attend à recevoir qu'il y a un certain mouvement, c'est un mouvement qu'il s'attend pas à recevoir, fait quelque chose. C'est genre. Ça. Des fois, ça marche pas. Okay. Mais c'est un peu frustrant, mais pas assez pour dire de pas aller louer le jeu. Là. C'est une chose qu'on passe facilement par-dessus. Là. Ça marche comment côté points? Est-ce qu'il faut que tu fasses. Est-ce que c'est d'accomplir le plus de recettes possible? C'est que chaque recette, tu peux soit la manquer, mm-hmm. soit bien la réussir ou très bien la réussir. En fait, c'est comme un système de médailles. Ah. Donc, bronze, argent et or. Le but, c'est de tous les avoir à l'or. C'est ça. Mais moi, quand je les ai à bronze, je suis contente et parfois argent. Peut-être que tu as des choses à débloquer, peut-être des recettes à débloquer une fois que tu te rends à la fin, je sais pas. Ben, je me suis pas rendue à la fin. Comme je te dis, j'ai peut-être joué un 5 ou 6 heures, peut-être, étalé sur 2 jours. Donc, peut-être que j'avais réussi à débloquer une quinzaine, une vingtaine de recettes maximum. Puis, c'est ça, je les ai pas réussi tous à or. J'ai oublié cet objectif-là parce que, bon, je suis assez nulle, comme je le disais plus tôt. Mais c'était quand même assez amusant. Puis ça, je pense que j'ai raté ma deuxième et ma quatrième recette à peu près, mais le reste, je les ai toutes eues, là. Qu'est-ce que tu penses de la rejouabilité? Est-ce que tu relouerais ce jeu-là? Est-ce que ça vaut la peine de rejouer plus tard pour avoir les ors? Ou est-ce que, dans le fond, il faut que c'est fini à argent? On s'en fout un peu. Hein? Je le relouerais peut-être pas toute seule, mais c'est le genre de jeu qui peut être amusant. Mettons, si on invite une couple d'amis à la maison pour faire des recettes. Bon, c'est sûr qu'on jouera pas aussi longtemps qu'un jeu comme Guitar Hero, par exemple, ou bon. Mais ça peut être amusant quand même. Une gang de filles, les gars, peut-être que ça leur intéressera pas trop. Je sais pas, ça peut être intéressant quand même. Mais je leur louerais pour jouer en gang. Est-ce que t'as joué à plusieurs, non? C'est pas le mode de multijoueur. Est-ce qu'il y a un mode multijoueur? J'ai pas remarqué, je te dirais. Peut-être pas. Enfin, donc ça a l'air très bon, je trouve. Ça a l'air intéressant comme concept de jeu. Ouais, mais en fait, ça vaut la peine de louer. C'est super amusant. Puis c'est ça, il faut juste pas se fâcher après la première ou la deuxième fois qu'on n'a pas réussi à faire une tâche. Mais c'est facile à comprendre quand même. Puis un coup qu'on catch comment ça fonctionne, puis qu'on sait quel mouvement qu'il faut faire, c'est super amusant, c'est super intéressant. Donc persévérer. Oui, absolument. Et la cote, c'est louer. Louer, ouais. C'est clair. Je pense qu'on a compris. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Donc, le jeu s'appelle Cooking Mama Cook Off. C'est édité par Majesco Sales Inc., développé par Office Create dans le genre cooking, cuisine et action. Pour 2 joueurs, c'est coté 1 pour tous. C'est sorti le 20 mars dernier. Selon 36 critiques reconnues partout dans le monde, la note est de 62. Ça veut dire moyen. Hein, c'est dans la moyenne. Selon 6 votes du public, ce qui est peut-être pas assez pour se faire une vraie opinion, la note est de 55. Donc, les gens n'ont pas l'air de très apprécier, peut-être par son manque de durée de vie. Ouais, peut-être. C'est sûrement le critère qui compte le plus là-dessus. Donc, Cooking Mama Cook Off, c'est sur la Nintendo Wii. Absolument. Louez-le. Génial. Louez, tout de suite. Louez. Pendant qu'on s'en va entendre, une pièce d'un album qui s'appelle Mashed. En fait, c'est différents artistes qui sont mixés ensemble. Ça fait des drôles de pièces. Celle-ci, c'est Boogie Oogie Music, Madonna versus... c'est pas celle-là. C'est Horny as a Dandy, d'accord? Okay. Moostie's Radio Mix. C'est Moostie versus les Dandy Warhols. C'est spécial, c'est la compilation Mashed. I'm Beastie versus The Dandy Warhols avec Arnie as a Dandy. Et je vous expliquais un petit peu tantôt l'erreur. Les pièces de l'album ne sont pas dans le même ordre que sur Wikipédia. Donc, dans le fond, les artistes, c'était Moosey versus Dandy Warhols. C'est deux pièces qui ont été reprises. Donc, Arnie et puis Bohemian Like You de ces deux formations. Ça vient de la compilation MASH qui est sortie en février 2007. C'est un des premiers albums légaux de mash-up, c'est-à-dire de mixage de deux pièces ensemble. C'est produit par Mark Fiddler et par qui vient de Go Home Productions. Voilà. Sauf cette pièce-là qui a été produite par Lou and Placido, celle de Moosey versus Dandy Warhols. Très très bon, très bon album concept. Mais cette pièce-là était très bonne en tout cas. Ouais. Et puis c'était facile de savoir l'état d'esprit de la chanteuse qui n'arrêtait pas de dire qu'elle était horny. Je trouve ça très très drôle. Pas très subtil. Non. Hein? Quand même. Parlons un petit peu maintenant de crime dans la chronique Cybercrime. On commence par la traduction pirate de Harry Potter. La grosse nouvelle récemment, un adolescent de Aix-en-Provence. Il a été interpellé pour avoir mis en ligne une traduction française pirate du 7e et dernier tome des aventures du célèbre Harry Potter. T'en parlais justement. Hein? Oui, je parlais que j'ai l'acheté hier. J'ai très hâte de commencer à le lire. Le jeune de 16 ans a été interrogé et placé en garde à vue lundi après que Gallimard, la maison d'édition française du best-seller, eut porté plainte. Il a été relâché le lendemain. Le procureur du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, Olivier Rotté, a précisé que l'enquête était que l'enquête était en cours et que selon les premiers éléments, il n'y aurait pas de but lucratif ou commercial à cette traduction. L'adolescent risque toutefois d'être poursuivi pour violation de propriété intellectuelle. Selon le procureur, le jeune garçon aurait traduit seul de l'anglais au français l'intégralité des 759 pages de Harry Potter et les reliques de la mort avant de mettre en ligne cette version pirate quelques jours seulement après la sortie de l'édition anglaise le 21 juillet. Est-ce que tu l'as acheté en anglais? Oui, mais le français n'est pas encore sorti. Je pense que c'est au mois d'octobre ou novembre. Octobre, je crois que c'est en raison. Français. C'est bizarre parce que même le film des Simpsons, ils ont réussi à le traduire pour qu'il sorte partout en même temps. Mais Harry Potter, faut garder le suspense. Dans le fond, ça, c'est que c'est long à traduire parce que pour garder la primeur, justement, ils peuvent juste commencer à traduire un coup que la version originale anglaise est parue. Pourquoi est-ce que ce serait plus important que les Simpsons? Moi, je comprends pas vraiment. C'est un livre comme un autre. Ouais, pourtant, le monde, ils ont quand même acheté assez massivement la version anglaise. Donc, j'imagine que c'est une technique de marketing qui a marché quand même. En tout cas, cette traduction n'est aujourd'hui plus disponible. Le site Internet ayant été fermé par la police. Chez Gallimard, on indique que la publication de la traduction officielle est toujours prévue pour le 26 octobre. D'accord, tu avais raison. Ouais. Le traducteur, il travaille depuis 15 jours, date à laquelle il a reçu la copie anglaise. Voilà. Plusieurs traductions pirates ont par ailleurs déjà été mises en ligne dans d'autres pays du monde, notamment en Chine, où la contrefaçon est endémique. Les romans de J.K. Rowling, vendus à plus de 325 millions d'exemplaires dans le monde, sont traduits dans au moins 64 langues et ont été adaptés pour certains au cinéma. Wow, c'est un article qui nous renseigne incroyablement. Je savais pas ça, il y a des films d'Harry Potter! Mais voyons donc, je savais pas! Merci, Canoë! Okay. Ce qu'on appelle des executives, des chefs, là, des gens très haut placés chez Warner Brothers, ont admis qu'ils ont par exprès fuité des torrents de la future comédie Pushing Daisies de ABC pour créer un engouement autour de l'émission. L'idée, c'est qu'il y a quelques semaines, sur Internet, on retrouvait les pilotes de la saison d'automne. Bon, l'automne, il y a toujours des nouvelles émissions sur les grandes chaînes américaines. Et il y a des pilotes qui ont été fuités. Ouais. OK. Et les gens se demandaient si c'était pas justement les réseaux qui les avaient fuités pour faire de la publicité. Et ça a l'air que oui. On dirait bien que oui. C'est une bonne idée, quand même. Mm-hmm. Et là, il me semble que je trouve ça... C'est le fun parce que oui, ça va créer de l'engouement, mais sûrement que les créateurs, eux, doivent être fâchés parce qu'ils vont peut-être perdre des revenus sur les gens qui vont peut-être pas regarder la première à la télé. En même temps, je pense que le monde va quand même la réécouter pareil. Hein. Je pense que oui. C'est une très bonne émission. D'ailleurs, je l'ai vue, Pushing Daisy. parce que je fais partie de la presse et j'ai reçu un DVD pour Media Press Kit. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu disais que c'était bon? Ouais, non, ben, je l'ai pas encore vu. C'est... Ah, j'ai entendu des bons commentaires. Ah, ben oui. Ah, mais tu vois, là, t'as tellement une bonne crédibilité. Là. C'est ça, on dirait un chien qui patouche. ça arrive toujours une fois que la compagnie devient grande. On l'a vu avec MySpace récemment. Mais là, Facebook a encore une autre poursuite sur le dos. Le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a reçu une poursuite disant que l'idée du réseau social à 30 millions d'utilisateurs a été volée, supposément, de ses amis au collège. C'est ça. Et maintenant, l'équipe a reçu une autre poursuite de brevets. Ça, c'était la semaine, il y a quelques semaines, l'affaire de gens qui disaient que youconnect.com, quelque chose du genre, l'idée avait été volée pour faire Facebook. Ah, OK. Bon, donc, cette fois-ci, c'est une poursuite de brevets qui dit que le système pour créer une communauté d'utilisateurs avec des intérêts communs était dans un brevet de 2003, selon quelqu'un. Je sais pas, c'est pas écrit exactement qui fait la plainte, mais évidemment, tout ce qu'il demande, c'est de l'argent. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Il y a une autre poursuite envers Facebook. S'il y a des nouvelles là-dessus, des suivis, on vous en parlera. Une équipe de bidouilleurs a réussi à craquer le iPhone de Apple afin de pouvoir l'utiliser avec d'autres opérateurs mobiles que AT&T et ailleurs qu'aux États-Unis. Il y avait une nouvelle similaire il y a quelques semaines. Maintenant, c'est vraiment quelque chose de gros. L'équipe a publié le fruit de ses recherches dans le forum de discussion du site internet Hackintosh. Ça détaille toutes les étapes afin de convertir le téléphone cellulaire intelligent de Apple. Hein, c'est quand même pas pire. Mm-hmm. En pratiquant ce qu'ils appellent la rétro-ingénierie ou la reverse engineering, les membres de l'équipe ont réussi à comprendre le fonctionnement du iPhone et à contourner les limites de l'appareil. L'opération de conversion implique en premier lieu de se procurer une carte SIM vierge, un lecteur de carte SIM et une carte EEPROM, trois composants qui se trouvent facilement en Europe. Après la transformation, le téléphone va pouvoir être utilisé avec tous les opérateurs mobiles qui fonctionnent avec la même norme de téléphonie qu'Apple, soit le Edge. La conversion de téléphone cellulaire pour pouvoir l'utiliser avec un autre opérateur est interdite en Europe et peut entraîner une suspension d'abonnement. Il aura donc fallu aux bidouilleurs moins de 40 jours depuis la sortie de l'appareil le 30 juin afin d'en percer tous les secrets techniques. On rappelle aussi que DVD John avait réussi à convertir le iPhone en baladeur audio numérique Wi-Fi au début du mois de juillet, mais qu'il était jusqu'à présent incapable de l'utiliser comme téléphone cellulaire avec un autre opérateur mobile que AT&T. Donc voilà, je sais pas si ça va vraiment affecter Apple, il me semble que ça. Non, mais je trouve ça le fun du monde qui gosse puis qui finisse par trouver quelque chose. Des gens qui persévèrent. Ouais. Qui veulent atteindre un but. Mais du monde qui taponne puis qui disait, moi, j'ai envie de chercher plus loin que juste ce que l'appareil me dit qu'il peut faire. Mm-hmm. Je trouve ça le fun. Oui. Du monde curieux. J'aime ça. Ouais, des fouineux. J'aime ça. Bidouillard. Mm. Oui. Très, très bien. Aux États-Unis, un pirate qui vendait illégalement des jeux vidéo vient d'être condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans. Il va devoir également payer une amende de 1 200 $. Timothy W. Hall, 35 ans, a plaidé coupable en mai de violation des droits d'auteur de plusieurs centaines de jeux vidéo qu'il vendait et distribuait illégalement sur son site morbidbackups.net. Ces jeux qui étaient copiés sur des sites de vierges étaient principalement destinés à la Xbox, à la GameCube et à la PlayStation 2, donc les anciennes consoles. Hall vendait également des films et des émissions de télé en DVD. Entre 2001 et 2006, les revenus du pirate ont dépassé, et regarde bien ça, 266 000 $. C'est pas un petit copieur là, de fonds de nouvelles. Non, c'était quelque chose. Il prend ça au sérieux. Un autre bidouilleur d'une autre façon. Ouais. On rappelle que les douanes américaines ont lancé la semaine dernière une vaste opération policière contre les importateurs et les distributeurs de consoles de jeux vidéo modifiées qui permettent de lire des jeux vidéo copiés illégalement comme ceux vendus par Hall. Pour plus de détails sur l'opération, allez voir l'article consoles modifiées sur le unechance.com. D'ailleurs, est-ce que ça tente qu'on en parle? Mais de quoi ça? Parce que c'est l'article que j'ai préparé après, je m'en suis juste pas rappelé. Ah! Les douanes américaines ont lancé mercredi une vaste opération policière contre les importateurs et les distributeurs de consoles de jeux vidéo modifiées, selon l'agence France Presse. Les policiers ont reçu un mandat pour effectuer plus d'une trentaine de perquisitions dans 16 États américains, dont notamment la Californie, la Floride et New York, afin de saisir les composantes électroniques qui permettent de modifier une console pour qu'elle puisse lire les jeux piratés. Et je cite, « Ces pièces permettent à un amateur d'utiliser des jeux vidéo acquis illégalement sur des consoles comme la PS2 de Sony, la Xbox et Xbox 360 de Microsoft ou la Wii de Nintendo. » C'est ce qu'a expliqué l'administration de l'immigration et des douanes dans un communiqué de presse. Les suspects visés par les mandats de perquisition sont des individus, et je cite, « qui sont directement liés à l'importation, l'installation, la vente et la distribution de consoles déjà modifiées ou des pièces servant à faire ces modifications. » Selon différentes sources, dont la Chambre américaine de commerce, la contrefaçon et le piratage entraîneraient des pertes annuelles de plus de 200 milliards de dollars à l'économie américaine. J'en doute pas. Il y en a du monde croche pareil. Oui, ben justement, c'est le fun pour les gens qui sont un petit peu moins croches. Parce que dans le fond, ça, c'est moins pire, ils vont moins se faire prendre que les gens qui sont vraiment, vraiment croches. Ben c'est ça, parce que tout le monde est un peu croche. Je pense qu'il n'y a pas grand monde de droite. Non. Hein? Non, tout le monde est un peu croche, mais les immenses croches vont se faire avoir. Et voilà. Un jour ou l'autre, ils vont tous se faire prendre. C'est ça. Par le long bras de la loi. Le long bras de la loi, voilà. C'est un peu comme ça qu'ils vont se faire prendre. Ouais. Le long bras. Ils vont se faire attraper par un bras élastico-gadgetique. Élastico-gadget. Exactement. Je voulais faire un lien, excusez. Ben, c'était pas pire. J'ai apprécié l'humour. Voilà pour le bloc cybercrime de cette semaine. Plus tard, on va parler de jeux vidéo un peu. On a encore plein de trucs à dire dans la dernière demi-heure. Je sais pas comment on va faire, mais on va essayer. On va essayer de tout rentrer ça en une période de temps limitée. Comme toujours, c'est ce qu'on fait. On réussit toujours à un moment donné. Ouais, relativement. Genre. Au retour, on parle de jeux vidéo. Mais pour l'instant, voici une pièce de The National Parks. Border Patrol.

tu me donnes une frite. Sur toi, toi. Hein. Ben, pas, tu m'en donnerais pas une, toi? Ben, si j'en avais, je t'en donnerais, tu. Est-ce que tu me donnes une frite? Maintenant, voici le fil jeux vidéo. Cette semaine, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses se sont passées dans le monde des jeux vidéo. Cette semaine, Microsoft a confirmé la baisse du prix de 100$ de la Xbox 360, enfin! C'est donc tentant pour ceux qui en veulent une depuis longtemps et qui n'en ont pas encore acheté. À partir donc de cette semaine, la console incluant le disque dur de 20Go est offerte pour 400$ canadiens. De son côté, le Core System a aussi baissé de prix. Il est possible de se le procurer pour seulement 300$ canadiens. Finalement, la Xbox 360 Elite noire et avec un disque dur de 120Go profite d'une légère baisse de prix et est maintenant disponible pour 500$ canadiens, donc 300, 400, 500. Microsoft a aussi annoncé que la Xbox 360 Halo 3 Special Edition, qui va être vendue en septembre, aura le prix de 450$, donc un entre-deux si on veut. Et on rappelle que cette version viendra en vert et or avec une manette portant les deux mêmes couleurs. Et dans les prochaines semaines, si vous désirez acheter une Xbox 360, vous aurez donc 4 choix différents. Ça fait beaucoup d'options. Hein. Ouais. Mais très très convaincant. Hein? Après la baisse de prix de la PlayStation 3 de pas grand chose, la Xbox baisse d'un coup sec et c'est très très bon. C'est un bon coup de marketing. Je pense que ça va les aider. C'est viril. Après avoir allongé la garantie de Xbox 360 jusqu'à 3 années après la date d'achat, voilà que Microsoft vient de lancer un tout nouveau site facilitant l'application de cette garantie. Le site est au service.xbox.com. Ça vous permet de remplir une demande de réparation, de voir où est rendue votre réparation ou d'annuler une demande de réparation. Donc, si ça vous arrive, allez voir le service.xbox.com. Sony Computer Entertainment of America a annoncé que la PlayStation 3 incluant un disque dur de 80Go est maintenant disponible dans les magasins canadiens. L'ensemble inclut une copie du jeu Motor Storm. C'est offert pour 660$ canadiens. SCEA continue. Ben ouais. Il continue de vendre le modèle 60Go à 550$, très raisonnable, jusqu'à ce que les stocks soient complètement écoulés. Et la compagnie affirme que les ventes de ce modèle ont augmenté significativement et elle prévoit que toutes les PlayStation 3 de 60 gigs vont être vendues cet automne. Sont fins. Ils sont optimistes. Avant de continuer avec la deuxième partie du fil jeu vidéo, on va faire ça back-to-back cette semaine. Voici le top 5 des jeux les plus loués. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Cinquième position, Wii Play sur la Wii. Oui. Quatrième, Guitar Hero 2 sur la 360. Pas surprenant. Ben non. Troisième, le même jeu sur la PlayStation 2. Pas surprenant ça non plus. En deuxième, Guitar Hero Encore Rocks 80 sur la PlayStation 2. C'est assez un palmarès de Guitar Hero, ça. Et en première, pour faire changement, c'est Mario Strikers Charged sur la Wii. Oui. C'est original, un jeu de Wii en première position. Ça arrive rarement, je trouve. Le reste du top 10, c'est Mario Party 8, The Resident Evil 4 Wii Edition, NASCAR 08, Guitar Hero et Pokémon Diamond Version. Pokémon Diamond Version sur la DS. Voilà. Maintenant, continuons notre jeu vidéo, fil jeu vidéo. La prochaine console portable de Nintendo sera-t-elle un mélange de la Nintendo DS et de la Wii? Ça serait-tu pas génial, ça? Ouais, ben je me demande comment est-ce qu'on peut faire un hybride entre les deux. T'aurais une idée, toi? Je sais vraiment pas, ouais. Drôle de... Ouais, j'avoue que c'est... Parce que... T'aurais-tu une manette? Parce que dans le fond, la Wii, ce qui fait la particularité, c'est la manette. Mm-hmm. Mais une console portable, le t'as mouvement, pas de manette. Tu ferais-tu bouger une espèce de machine qui ressemblait à un DS? On parle d'une console portable, donc nécessairement, ça veut dire que ça va être petit. Sûrement avec du mouvement, peut-être que l'écran va être plus visible. C'est parce que, on sait qu'au soleil, une DS, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Non. Avec peut-être pouvoir faire des mouvements. Mm-hmm. Mais en même temps, je sais pas si ça serait très innovateur vu que la Game Boy Advance a déjà essayé le même truc avec plusieurs jeux. Tu pouvais faire bouger la console pour faire rouler quelque chose. Il y avait un jeu de Yoshi qui avait ça, ce système-là. En tout cas, mais quand même, c'est la conclusion donc à laquelle on peut arriver selon un document de 75 pages déposé au bureau des brevets américains par Nintendo démontrant un système portable détectant les mouvements. Donc, selon le document déposé le 30 mars dernier et paru en ligne le 2 août, les détecteurs internes de la console permettraient de détecter et de simuler les mouvements en bougeant celle-ci. Puis, les mouvements seraient analysés par la console et transmis au jeu permettant une interaction avec ce dernier. Donc, de plus, le document stipule que la console permettrait d'interagir avec les jeux à l'aide d'un impact effectué sur celle-ci, bien que le tout demeure mystérieux pour le moment. Donc, tu peux gifler ta console, quoi. Un coup de poing sur ta console. On ne peut pas la briser. C'est ça. Le document stipule également qu'en ce moment, il est difficile pour le joueur de changer librement un jeu à travers ses mouvements. Autrement dit, le joueur doit apprendre la façon d'opérer un jeu selon les instructions fournies par ce dernier. Dans ces circonstances, le joueur pourrait possiblement rencontrer des difficultés de concentration sur un jeu avant de maîtriser ses consoles. Ses contrôles, c'est donc bien dur, Alain. Perdant ainsi son intérêt, un peu comme moi dans cet article. Cette nouvelle technologie détaillée dans le document permettrait de briser cette barrière et, à l'image de la Wii, de démocratiser davantage le jeu vidéo. Nintendo n'a pas confirmé de ces informations en date du 7 août, se contentant de répondre qu'elle dépose des centaines de brevets à chaque année et que celui-ci n'est qu'un seul de ses nombreux brevets. Un parmi tant d'autres. S'il y a quelque chose, on suivra le dossier. Oui, absolument. Ça va être super intéressant, c'est les développements à ce sujet-là. Ça va être le fun, lire des longs articles comme ça. Selon IGN, la mise à jour 3.0 de la Wii, qui est d'arrivée, permet d'utiliser des claviers USB afin d'écrire dans les canaux Wii Shop et Wii Message Board. Le site a effectivement fait l'essai. Il semble que vous pouvez désormais taper le nom d'un jeu afin de le rechercher dans le Wii Shop ou encore utiliser un clavier USB pour écrire des mémos ou bien des courriels. Cette fonctionnalité n'est toutefois pas supportée par le canal Internet de la Wii pour le moment. Donc, Nintendo a rendu disponible la version 3.0 du firmware de la Wii, c'est le logiciel à bord de la console. Donc, on parle d'amélioration de divers canaux. On parle d'un cadran numérique, une horloge. Mm-hmm. Est-ce que au menu de la Wii, est-ce que t'as vu? Pas encore vu? J'ai pas encore vu. Ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas ouvert ma Wii. Si tu l'allumes, ça va être là par magie. Wow! Le canal de météo qui affiche la condition actuelle de la région sélectionnée. Le canal nouvelle qui peut afficher deux nouvelles déroulantes dans le menu de la Wii. Le babillard de messages qui est rendu en blanc. En tout cas, grosse affaire, c'est magnifique. Le Wii 3.0, le firmware, si vous ouvrez votre console, c'est déjà là. En Californie, tiens, nouvelle un petit peu plus importante dans notre monde, une loi visant à restreindre l'accès des mineurs à des jeux vidéo violents vient d'être déboutée à la Cour fédérale. Donc, la loi qui datait de 2005 avait paradoxalement reçu l'approbation du gouverneur Arnold Schwarzenegger, lui-même le héros de plusieurs films violents, pourtant dans les années 80-90, donc ironie totale, dit l'article. C'est donc une première victoire pour l'Association américaine des distributeurs de jeux vidéo et l'Association américaine des ludiciels, qui est des jeux vidéo, qui tentent depuis 2 ans de faire annuler la loi qu'ils considèrent comme une atteinte à la liberté d'expression. Dans sa décision, le juge Ronald White a expliqué qu'il n'y avait aucune preuve que les jeux vidéo pouvaient entraîner les jeunes à commettre des actes violents. Le juge a ajouté que certaines études scientifiques montrent qu'il n'y aurait aucune qu'il y aurait une corrélation entre la violence et l'utilisation de certains jeux vidéo, mais qu'il n'y a aucun consensus au sein de la communauté scientifique. Et je cite, « J'ai approuvé cette loi afin de permettre aux parents de déterminer les jeux vidéo qui sont approuvés pour leurs enfants. » C'est ce qu'il a répondu par communiqué de presse. C'est le gouverneur Schwarzenegger qui a dit ça, imagine. Schwarzenegger? Schwarzenegger. Certains de ces jeux sont destinés aux adultes et ça doit être aux adultes de choisir pour leurs enfants. Ça, c'est sensé. Le gouverneur a d'ailleurs indiqué aux médias qu'il comptait en appeler de ce jugement. Voilà. Autre polémique, la diffusion de la bande-annonce du jeu Resident Evil 5 n'aura pas fait que des heureux, puisque les torrents d'éloges de millions de fans transis ont tout de même remonté quelques accusations de racisme à l'attention de Capcom, la compagnie derrière le jeu, pointé du doigt le cadre africain de ce cinquième opus qui montrerait une image déshumanisée du continent et de ses habitants. C'est ça, un sur jeu. Des noirs, moi, je sais. Le monde s'en fond tellement avec n'importe quoi. Là. C'est vraiment. Un jeu. C'est juste un jeu. C'est quoi? C'est correct de tirer sur des blancs? C'est ouais, correct, c'est dans le fond? Ouais. Dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont corrects avec ça. Tu sais? Hein? En disant que c'est pas correct de le faire. En tout cas, ouais. Oui, on tire un petit peu par les cheveux le sujet, mais quand même, c'est un petit peu ridicule. Je suis d'accord. Donc, t'sais, on tire par les cheveux, mais je crois qu'eux aussi, c'est assez tiré par les cheveux, leurs commentaires. Hein. Exactement. Ça dit donc, proche des traditionnels stéréotypes sur les Noirs, toujours en quête d'un os à ronger, la blogosphère a été l'une des premières à s'émouvoir de ce qui est présenté comme un jeu où l'homme blanc tire sur le zombie noir avec plusieurs prises de position assez dures à l'encontre du survival horror de Capcom. Donc, si vous voulez lire quelques commentaires de différents blogs, allez voir donc, le blog militant Black Looks qui évoquait le sujet la semaine dernière. Donc, l'article s'appelle « Resident Evil 5, déjà polémique ». Évidemment, ça va sûrement être un tellement gros dossier qu'ils vont devoir finir par changer le jeu au complet. Ils vont devoir annuler ça puis changer. Mais je trouve ça ridicule. C'est un zombie. Le zombie aurait pu être vert, ça aurait rien fait. Là. Ça dérange pas si, mettons, c'est des Allemands, tu sais, mettons. Si c'est des Russes, tu peux leur tirer dessus, pas de problème, personne va chialer. Mais là, c'est noir. Hey, tu sais. Non, mais c'est un zombie à la base. Oui. Peu importe de quelle origine le zombie. Soyez. Protégez donc les zombies à la place. Non, pas de faire. Partez une ligue de protection des zombies. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais juste que le jeu consiste à tirer sur un zombie. On s'en fout un peu de quelle nationalité est le zombie. Là, tu tires le zombie, tu dis pas je tire sur un noir, je tire sur un zombie, c'est tout. Et voilà. T'as tout compris, je suis du même avec toi. Bon, je pense que la plupart mieux. Des gens dans la blogosphère ouais, le ben sont, là. Mais bon, quand même. C'est le fun de faire des polémiques. Je pense que le monde aime ça partir des... Je pense que s'il n'y avait pas ça, on n'aurait rien d'autre à dire. Ben, ça se peut, hein? Autre polémique, tiens, une semaine à peine après avoir laissé entendre que les consoles pourraient faire l'objet d'une taxe spécifique en France à cause de leur capacité de stockage numérique grandissante, la commission d'Albis, ça c'est en France, doit aujourd'hui faire face à l'opposition de nombreux acteurs du marché. Donc, jointe par les gens de chez Zilinet, il y a une association de consommateurs qui s'appelle UFC Que Choisir. Donc, c'est dit rétive à l'idée d'une extension de cette taxe aux consoles, expliquant que celle-ci ne devrait toucher que des produits dont l'usage premier est le stockage de contenu relevant de la copie privée. Un sentiment largement partagé par le syndicat de l'industrie des technologies et de l'information, lui aussi directement concerné par l'affaire, qui dit, et je cite, « Sinon, il n'y a plus de limite. Toute machine ayant une capacité de stockage peut être taxée. » Ce qui est vrai. Donc, ça fait écho à la possibilité, elle aussi évoquée, de taxer les agendas électroniques, imagine. Ouais. Les téléphones portables aussi, et les DVD haute définition. Également, le sel qui représente les éditeurs de jeux n'a guère montré plus d'enthousiasme à l'idée d'une imposition sur les disques ou des consoles, ce qui promet donc déjà d'après négociation autour du sujet, et ce, dès la rentrée. C'est à peu près ce que dit l'article de GameCube.com. Grosse affaire en France en ce moment. Je suis épuisé, pour le moins dire. C'est normal, ça on dit là. Serait-tu le temps d'une petite toune? Je crois qu'on devrait faire ben, une petite oui. pièce. Il semble qu'on devrait se gâter un peu. Tu sais. Oui, et ce sera une pièce de qui? Dis-moi donc, Mathieu. C'est le coureur de la semaine d'il y a deux semaines. OK. Si je me rappelle bien. Son nom, c'est Matt Fuzz et son Game Boy. Ah bon? Hein? Et sa pièce s'appelle Montréal en canicule. Et vous êtes à la connexion. À la micro de Montréal.fm. Au retour! La colle est bientôt sur vos écrans. Ah! Ah! Je peux pas t'entendre dans la forêt. Matt Fuzz et son Game Boy avec Montréal en pellicule à 689 FM. Maintenant, c'est l'heure de mon moment préféré, vraiment, c'est incroyable. C'est l'heure de bientôt sur vos consoles. Donc, c'est les deux minutes les plus rapides de l'émission. Vous allez voir bientôt sur vos consoles. On commence par Blizzard, qui a fait l'annonce de la nouvelle extension de World of Warcraft, Wrath of the Lich King, dans lequel il sera question d'évoluer à North End, déjà au cœur de l'action dans The Frozen Throne. On attend l'annonce de la date de sortie. Rockstar Games a annoncé que la parution de Grand Theft Auto 4 était repoussée après février 2008. Il semble que Rockstar ait besoin de plus de temps que prévu pour affiner le jeu. Bethesda annonce la sortie de Star Trek Conquest sur PlayStation 2 et Wii, situé entre action et stratégie en tour par tour. Warner Brothers Interactive a annoncé le développement du jeu Speed Racer de Video Game qui sera lancé en 2008 sur la Wii, PlayStation 2 et Nintendo DS. Basé sur le film de Speed Racer, ce jeu vous permettra de piloter les bolides des principaux personnages du film. L'équipe de développement de Super Smash Bros. Brawl a dévoilé que le jeu de combat inclura un mode aventure solo complet intitulé The Subspace Emissary. Le site affirme qu'il s'agit d'un jeu d'action de type side-scrolling qui aura une histoire et mettra l'accent sur le développement des personnages. Un autre trio de jeux disponible via la Virtual Console de la Wii, Nintendo vous offre le jeu de course Wave Race 64 sur la Nintendo 64, le jeu de casse-tête The Adventures of Lolo sur la NES et le jeu de tir spatial Galaga 90. Côté Xbox Live Arcade, on annonce la sortie de Track and Field, paru pour la première fois en 83 en arcade. Vous aurez droit tant aux graphiques originaux qu'à une ambiance visuelle améliorée comportant de nouveaux effets spéciaux. On connaissait la DS, elle est capable de tout, mais voici maintenant un logiciel d'éducation au Shih Tzu, une technique de massage japonaise. La DS fera office du manuel de pratique pour offrir des illustrations commentées et des instructions précises sur la méthode à adopter. Shih Tzu Navi est attendu au Japon le 30 août. Nintendo lancera une nouvelle DS rouge sur le dessus et noir à sa base dans un ensemble comprenant le jeu Brain Age 2 More Training in Minutes a Day dès le 21 août. Cette nouvelle couleur sera également offerte séparément en édition limitée. L'ensemble comprend la DS, le jeu Brain Age 2 et un sac portatif en bonnie et se détaille pour $150 américains. Geometry Wars, ce transfuge du Xbox Live Arcade, fera son arrivée sur la Wii et la DS cet automne. Geometry Wars Galaxies est un jeu d'arcade en 2D. La première vidéo publiée de Geometry Wars Galaxies fait un très bon usage, selon moi, de la pièce Particle Man de They Might Be Giants, qu'on écoute dans quelques secondes. Hein? C'était soufflant. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ouais. Je vais-tu faire ça souvent, tu penses? Ben, chaque semaine. Ok, d'abord. Particle Man, doing the things a particle can. What's he like? It's not important. Particle Man, is he a dot or is he a speck? When he's underwater, does he get wet? Or does the water get him instead? Nobody knows. Particle Man. Triangle Man, Triangle Man. Triangle Man hates Particle Man. They have a fight. Triangle wins. Triangle Man. Universe Man, Universe Man, size of the entire universe, man. Usually kind to smaller man. Universe Man, he's got a watch with a minute hand. Millennium hand, energy on hand. And when they meet, it's a happy land. Powerful man, Universe Man. Person Man, hit on the head with a frying pan. Lives his life in a garbage can. Person Man, is he depressed or is he a mess? Does he feel totally worthless? Who came up with Person Man? Degraded Man, Person Man. Triangle Man, Triangle Man. Triangle Man hates Person Man. They have a fight, Triangle wins. Triangle Man. Il faut vraiment, vraiment que vous alliez voir les vidéos de ça. C'est vraiment très drôle. C'est cocasse. Enfin bon, donc pour l'instant, c'est assez pour ça. On va faire quelques sorties en magasin cette semaine parce que bon, il le faut. Hein, pourquoi pas? Ben oui, il le faut. Il le faut. Quelques sorties, tiens, rapidement. Sur DS Pet Alien, hein, de The Game Factory, la compagnie. Okay. Mm-hmm. Mega Man Star Force Dragon, Leo et Pegasus, trois différentes versions de ce jeu de Capcom. Lego Fun Pack version 2 sur le PC. Attack on Pearl Harbor, aussi sur PC. Et Combat Mission Shock Force sur le PC. Ensuite, sur la PSP, on retrouve Crazy Taxi Fair Wars, Tomb Raider Anniversary. Et sur la Wii, on retrouve Boogie. C'est aussi court que ça. J'adore tes sons. Merci. Il n'y a pas grand-chose cette semaine, par exemple. Et tout ça pour dire que ça s'annonce comme la fin de la connexion. Déjà. Il nous reste des millions de trucs à aller voir sur le site, comme toujours. Oui, allez les voir. Le www.unechance.com. Vous trouverez tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, en plus des nombreuses choses qu'on n'a même pas eu le temps de voir ni de parler un tout petit peu. Ça veut dire la moitié de l'émission à peu près qu'on n'a pas pu faire. Si l'émission avait duré 4 ou 5 heures, ça aurait bien été. Donc, ça fait le tour pour cette édition de Cynix, la connexion. Donc, au revoir, Carly, merci. Au revoir, Mathieu. À la semaine prochaine. Bye-bye. Moi, je vous retrouve à la chance au coureur les vendredis matin à 10h et samedi et mardi à 14h. Et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. La connexion est en direct les jeudis à midi. Et on rappelle les samedis et mardis à midi. Retrouvez tous les liens d'émission et la balado-diffusion sur le unechance.com. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme toujours, restez où vous êtes parce que les palmarès suivent le jeudi. Et la rediffusion, ce qui nous suit, c'est la chance au coureur. Je m'appelle Mathieu Plante et comme disait notre ami Charles J. Sykes, soyez gentils avec les nerds parce que votre patron en sera sûrement un jour. Oh. C'est beau, hein? Ouais. On se quitte sur la toute dernière partie, ça fait des mois qu'on en parle, la série Doom de Dark Side of Phobos. Il est temps que ça finisse. Et c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin, regarde ça. Ça commence comme ça, sec. C'est triste. C'est la dernière partie. L'artiste s'appelle Tio et ça s'appelle Electrocute Bunny, The End. Donc, c'est la fin de la série. Fin. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur cette série qui comporte 22 pièces, 2 CD, couverture imprimée, torrent, des MP3 pour faire votre propre compilation, allez voir le doom.ocremix.org. D'accord. On va le faire. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Absolument. Merci encore. Bye-bye. Bye-bye.